Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Florence Baker, des rives du Danube aux sources du Nil. Les portraits de Florence Baker, des photographies prises en Angleterre dans les années 1870, nous montrent une belle femme blonde, ornée de bijoux discrets, un chignon serré, de grands yeux perdus dans le vague, le corps comprimé dans une robe sage boutonnée jusqu'au cou. En somme, l'image même de la respectabilité victorienne au féminin. Mais il ne faut pas s'y fier, car Florence Baker, en réalité, est une aventurière. La vie de Florence Schoch, c'est son nom de naissance, ressemble à un roman. Née hongroise en Transylvanie, enlevée à 7 ans par des Turcs, elle aurait dû terminer sa vie esclave dans un harem si son chemin n'avait croisé celui de l'explorateur anglais Samuel Baker. Leur providentielle et coupable histoire d'amour, ils vivent 7 ans ensemble avant de se marier, et leur passion commune pour les voyages les mèneront dans d'incroyables expéditions au cœur de l'Afrique, à la recherche des sources du Nil, puis dans la lutte contre le trafic d'esclaves. Un combat abolitionniste qui leur vaudra la gloire, mais où Florence et Samuel Baker échapperont plus d'une fois à la mort. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Christelle Mouchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur de romans, de nombreuses biographies. Les auditeurs vous connaissent bien, puisque vous êtes l'auteur aussi de nombreuses fictions, pour Autant n'importe l'histoire. Mais ce soir, c'est à la spécialiste des grandes voyageuses exploratrices du 19e siècle que je m'adresse. Vous êtes l'autrice notamment, avec Alexandra Lapierre, d'un très beau livre paru il y a quelques années. Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières, 1850-1950. Alors que s'est-il passé au 19e siècle particulièrement pour que des femmes, parmi lesquelles beaucoup d'occidentales, se mettent à voyager dans des expéditions souvent dangereuses? Alors en fait, il faut savoir que les femmes ont toujours voyagé et elles ont toujours aimé voyager. Aussi loin qu'on remonte, qu'on trouve des sources avec des déclarations, c'est un fait établi. En revanche, ce qui s'est passé aux alentours de 1850 est effectivement nouveau, c'est-à-dire qu'il est apparu des femmes qui ont dit qu'elles voyageaient pour être exploratrices à l'égal des hommes. Aventurières, c'est non pas aventurières au sens que le mot avait au XVIIIe siècle, mais aventurières au sens qu'il a aujourd'hui. En sens d'aventurier au féminin. Voilà, exactement. Et donc effectivement, ça, ce mouvement, on peut dire vraiment, c'est un mouvement, parce qu'elles ont été nombreuses quand même, à partir pour partir. Et à partir, alors souvent sans homme, ou quelquefois avec un homme, mais un homme dont elles étaient la compagne à égalité, on va dire, ou à peu près à égalité. Et aussi, ce qui est nouveau, quand elles voyageaient avec un homme, ces hommes se sont mis peu à peu à reconnaître la part qu'elles avaient jouée dans l'aventure. Et c'était effectivement ce qui est arrivé à Florence Baker. Et quelle place, justement, Florence Baker occupe-t-elle au milieu de toutes ces femmes voyageuses? Alors, en fait, il faut être reconnaissant à Samuel Baker d'avoir sorti son nom de l'anonymat. Parce qu'un aventurier, avec le statut qu'il avait et le genre de vie qu'il menait, aurait très bien pu faire disparaître sa concubine dans un appartement discret de Londres sans l'épouser. Or, il a choisi volontairement, en accord avec d'autres géographes de son époque, pour mettre en avant ce personnage exceptionnel de la compagne de l'aventurier, de l'aventurière en tant que compagne d'aventurier. Avant de commencer le récit justement des aventures de Florence et Samuel Baker, où il est beaucoup question de l'esclavage dans l'Empire ottoman notamment, j'aimerais, Christelle Mouchard, que vous nous rappeliez ce qu'était justement l'Empire ottoman au XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, c'est encore un très grand empire avec lequel doivent compter les grandes puissances européennes qui apparaissent, qui sont déjà bien installées, dont l'Angleterre et la France. Ça a été un très très grand empire qui est dans sa période de déclin, mais en théorie, géographiquement, il détient encore une partie de la Méditerranée, de la mer Noire, une partie tout le bassin de la Mésopotamie, en théorie, toutes les côtes de l'Arabie Saoudite. Oui, la mer Rouge. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, tout cela, c'est filoche, parce que des pays comme l'Égypte, par exemple, ont pris leur quasi-indépendance. Ça, on va le voir d'ailleurs dans la fiction. La Russie, ouais. La Russie fait fortement pression dans ses possessions d'Europe pour générer des autonomies, des indépendances, qui effectivement mettent à mal l'Empire ottoman. Mais ça reste une force très importante, et surtout, même, on sait, la France et l'Angleterre savent qu'avec une expédition militaire bien organisée, ils mettraient fin à cet empire ottoman, mais ils ne le veulent pas parce que c'est une sécurité, c'est une zone de sécurité face à l'empire russe qui, lui, est extrêmement menaçant. Alors dans l'histoire de Florence Becker, on va aussi découvrir, pour ceux qui l'ignoraient, que l'esclavage existait encore au XIXe siècle dans l'Europe de l'Empire ottoman. C'est assez incroyable. Alors là, on est vraiment aux sources même du mot esclave, qui à l'origine, effectivement, désigne les esclavons, c'est-à-dire les esclaves de l'Europe des Balkans et du Caucase. Et ce réservoir d'esclaves, vraiment très ancien, c'est largement tari, mais pas encore. Et l'Empire ottoman, qui lui bon, continue à pratiquer l'esclavage, en profite évidemment. Ils continuent ce qu'ils ont fait depuis des siècles, c'est-à-dire à profiter de leurs relations, par exemple, avec le peuple des Tcherkesses ou tous ces peuples du Caucase avec lesquels il était traditionnellement facile de négocier des esclaves. Et ils continuent. Alors, bon, dans l'Empire ottoman, les esclaves européens avaient deux fonctions. La première, c'était l'armée, et les Mamelouks, par exemple, auxquels s'est affronté Bonaparte, étaient pour la plupart des descendants d'esclaves. Et il y avait aussi les harems, puisque surtout à Constantinople, la plupart des harems étaient majoritairement peuplés d'esclaves qui venaient d'Europe. C'était des chrétiens ou des juifs, puisque l'esclavage n'était pas autorisé pour les musulmans. Voilà, donc c'était effectivement l'état des lieux à peu près à cette époque-là dans cette partie de l'Empire ottoman. Christelle Mouchard, merci. On se retrouve bien sûr tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Tout de suite, Florence Becker, des rives du Danube aux sources du Nil, un texte de Guillaume Jean, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Pascal II. Sophia a une personnalité soumise et montre une belle ardeur au travail. Cette vierge certifiée a été éduquée à tous les travaux domestiques. Elle excelle dans la pâtisserie. Sa voix est très pure. Incroyable. Ils le font vraiment. Ils sont en train de nous vendre comme si nous étions du bétail. Je dis 500. J'entends 500, qui dit mieux ? 550 ici, c'est bien, 550, oui ? 650 oh oui ! C'est adjugé, c'est vendu ! Nous allons être la propriété de cet homme. Nous allons quitter la maison pour nous retrouver cloîtrés dans un harem. Non, c'est pas possible, autant mourir. Qu'est-ce qui se passe, Ali ? Chut ! Tu comprends ? Ils sont vraiment en train de nous vendre. Oui, Florence, c'est votre sort. À leurs yeux, tu es une esclave comme les autres. Et moi, je suis l'esclave chargé de vous chaperonner. Non, Ali, je ne suis pas une esclave. J'ai été adoptée par la famille Finjanjian. Je fais partie de cette famille. Je suis désolé, Florence. La sultane t'a élevée dans le but de te vendre. C'était son projet depuis qu'elle t'a recueillie. Mais elle t'a éduqué avec soin car elle voulait que tu sois reconnu comme une personne de valeur et que tu passes le reste de ta vie dans le confort d'un palais. D'ailleurs, je te conseille de te montrer sous ton meilleur jour pour trouver une bonne place. C'est à toi, Florence. Le 25 janvier 1859, Florence Barbara Maria Schoch a tout juste 17 ans. Orpheline de père et de mère depuis la révolution hongroise de 1848, elle a été prise en charge par une famille de Vidine, au bord du Danube, dans l'actuelle Bulgarie, qui est encore alors sous domination ottomane. Florence grandit dans un pensionnat un peu particulier. Elle y apprend la lecture, les mathématiques, la calligraphie, le Coran, la broderie, ainsi que le turc, l'allemand et l'arabe, sans réaliser que cet enseignement est destiné à faire d'elle une esclave éduquée qui servira dans le harem d'un pacha, puisque cette pratique a toujours lieu dans la culture ottomane au milieu du XIXe siècle. Elle est vêtue d'une robe bleue et or qui met en valeur ses beaux cheveux blonds et son visage gracieux. Déboussolée d'apprendre le sort qui lui est réservé, Florence se résigne à avancer sur l'estrade de la vente, sans se douter que son destin va prendre une toute autre direction. 650 par ici. Quelle humiliation. 650, il est mieux. Sur se retrouver en pâture face à cette assemblée qui me regarde comme si j'étais un meuble. Tiens, en voilà un qui lève la main. Et là un autre. Quelle honte. Mais je dois penser à ce que m'a dit Ali. Tant qu'à être acheté, autant faire bonne figure et essayer d'intégrer une maison confortable. Peut-être un palais. Peut-être que je pourrais quitter cette ville. Sauf si c'est cet infect pacha de Vidine qui mise la plus grosse somme. C'est la cinquième fois qu'il lève la main pour moi. Mille, bien, monsieur, 1100. 1100 à droite, 1100. Monsieur à gauche. 1200. 1200, bien, monsieur, 1200. 1200. 1400. 1400, 1400, monsieur. 1450. 1450, 1500. 1500. 1600, bien sûr. 1700. 1700. Ils ne sont plus que deux à faire monter les enchères. 1700, 1900. Qui est l'autre homme? 2000. Ah, le voici. Tiens. 2200, il n'est pas vêtu comme tout le monde. 2200 une mais fois, 2200, on dirait un étranger. 2300, monsieur, bien, monsieur, d'où peut-il 2300, venir 2500, qui dit mieux, 2500, il a cette 2600, façon de me regarder 2600, comme s'il devinait ce que je ressens. 2800, monsieur à gauche, c'est bien. Ce serait 2800, bien le seul. 3000, monsieur, 3000. 3000 une fois, 3000 deux fois. 4000. L'étranger a cessé de renchérir. Il a compris que ce n'était pas la peine de lutter contre le pacha. Mais il me regarde toujours avec ses yeux désolés. Et il me sourit même. Cet étranger qui a tenté d'acheter Florence est un Anglais. Il s'appelle Samuel Baker et il a 20 ans de plus qu'elle. Fils aîné d'un riche négociant, il a dirigé pendant quelques années une plantation à Ceylan où il s'est marié avec une Britannique. Ils ont eu ensemble 4 filles. Quand son épouse a succombé à la typhoïde en 1855, le veuf a confié ses enfants à sa sœur Mary et depuis, il mène une vie mélancolique et oisive à travers l'Europe et le Proche-Orient. Il venait chasser l'ours en Transylvanie quand il a entendu parler de cette vente d'esclaves où il s'est rendu par curiosité. En voyant le désarroi de Florence, Samuel Baker a été pris d'un élan de sympathie. Florence, viens par ici. Tu vas me suivre dans le corridor. Mais pourquoi ? Fais ce que je te dis. Écoutons vos propositions. Allez, allez. C'est une grande musique. On n'a pas le droit de passer par là. Où allons-nous ? Réponds-moi. Où est-il ? Ah, le voilà. Florence, tu n'iras pas chez le pacha qui t'a acheté. C'est un homme trop égoïste et cruel. Dis-moi, tu as remarqué cet étranger qui enchérit pour toi ? J'ai observé la façon dont vous êtes regardé pendant la vente. Voilà. Il est venu me voir et il m'a donné une somme. Il m'a proposé de te faire évader. Il veut te rendre la liberté. Quoi ? C'est un Anglais. Les Anglais ne pratiquent plus l'esclavage. Mais Ali, qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, nous n'avons pas le temps de discuter. Je dois remonter au plus vite. J'ai la conviction qu'il t'apportera la vie que tu mérites. Cours jusqu'à cette calèche. Il t'y attend. Cours vers la liberté. C'est de la folie. Va vite, Florence. Ali, tu as toujours été bon pour moi. Merci. Merci. Baraka Youfi. Où est-ce que tout cela va me mener ? En plus, je suis partie sans rien emporter. Je n'ai que cette robe. Et si c'était un piège ? Non, faisons confiance à l'intuition d'Ali. De toute façon, que pourrait-il m'arriver de pire que d'être séquestrée chez le Pacha ? Je voulais la liberté, je l'ai maintenant. Du moins, je l'espère. Mademoiselle, soyez la bienvenue. Bonjour, monsieur. Tenez, installez-vous sur cette banquette. Elle n'est pas confortable, mais ça fera l'affaire, je crois. Comment vous sentez-vous ? Bien. Mal. Enfin, je ne sais pas. Je comprends votre réserve. Je serais aussi troublé à votre place. Moi-même, je ne saurais pas expliquer ce qui m'a pris. Mais quand j'ai vu votre détresse dans ce salon, je me suis dit qu'il fallait au moins tenter de vous libérer. J'ai pu parler à Ali, je l'ai convaincu que je pouvais vous offrir une seconde chance. Et tout est allé si vite. Mais éloignons-nous d'ici. Cocher, conduisez-nous au bazar. Où allons-nous ? Si vous le voulez, nous pourrions vous acheter des vêtements plus discrets. Cette robe est ravissante, mais un peu voyante. J'imagine que le Pacha va envoyer ses gens à votre recherche. Nous devons nous éloigner. D'ailleurs, j'allais vous proposer que nous traversions le Danube sans tarder pour entrer en Roumanie. Nous y serons plus en sécurité. À moins que vous ayez d'autres volontés. Je ne sais pas. Non, je n'ai aucune famille ici. Je n'ai aucune famille nulle part. Oui, partons d'ici. En route pour la liberté. Si vous permettez, comment se fait-il que vous ayez été réduite en esclavage ? C'est une longue histoire. Je suis née en Transylvanie. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à ce qu'ils soient tués pendant la révolution hongroise de 1848. J'avais 7 ans à l'époque. J'ai fui avec une colonne de réfugiés jusqu'à Vidin, où cette famille chez qui vous m'avez vue m'a hébergée et m'a éduquée. Mais j'ignorais jusqu'à aujourd'hui que j'étais destinée à devenir une esclave. Ces Turcs sont des barbares. Vous savez, avant d'arriver dans ce pays, je ne savais pas que l'esclavage y était encore pratiqué. Me voilà libérateur d'esclaves. Ali m'a dit que vous étiez anglais ? Oui. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Baker. Samuel Baker. Et moi, Florence. Shosh. Très enchanté. Nous voici passés en Roumanie. Qui est cet homme ? Et que veut-il au juste ? Il est doux et rassurant. Tout va bien, Florence ? Il a plein de petites attentions. Personne ne m'a jamais traité comme lui. Mais est-ce que je peux lui faire confiance ? En tout cas, rien ne l'effraie. Il a même réussi à faire croire aux douaniers que j'étais anglaise. Nous ferons escale ce soir à Pitești et nous serons demain à Bucarest. Nous nous y arrêterons quelques jours et aviserons de la suite des événements. Vous connaissez du monde à Bucarest ? Non, je ne connais personne nulle part. Quand j'y pense, c'est d'Ali que je suis la plus proche. Il vient d'Afrique, vous savez ? Il vient des rives du Nil. Le Nil. On y trouve de remarquables éléphants qui sont, paraît-il, deux fois plus grands que ceux que je chassais à Ceylan. Vous chassez beaucoup ? Disons que j'aime me confronter au gros gibier. Aux Indes, je me suis fait charger une fois par un éléphant en colère. Si je n'avais pas visé juste, pile entre les deux yeux, je ne serais pas là pour vous parler. Des éléphants ! Comme j'aimerais en voir moi aussi. On dirait que les voyages ne vous effraient pas. J'ai toujours rêvé de voir d'autres terres. Vous imaginez ma détresse quand j'ai compris que je risquais de terminer ma vie enfermée chez ce vieux Pacha. Samuel, vous m'avez fait échapper à un bien triste sort. Vous aviez l'air si triste, si perdu. Vous savez, c'est en voyant votre désarroi que j'ai vraiment pris conscience de l'ignominie de l'esclavage. Les deux fugitifs prennent le temps de se connaître pendant ce trajet à travers la Roumanie. Ils ont des goûts communs, une curiosité sans bornes et une même attirance pour l'aventure. De ce kidnapping singulier va naître une grande histoire d'amour. Samuel trouve un travail de cadre dans la compagnie des chemins de fer roumains à Constanța, sur la mer Noire. Il s'y établit en compagnie de Florence, avec qui il mène une vie maritale pendant plusieurs mois. Samuel, nous avons reçu les journaux d'Angleterre. Ah, merci. Tiens, on dirait. Mais oui, c'est lui. C'est ce vieux Speck. Incroyable, il a déniché la source du Nil. John Speck, ça alors. Tu le connais ? Oui, je l'ai rencontré à Aden il y a quelques années. C'est un capitaine de l'armée des Indes. Et donc, il a réussi à localiser cette fameuse source du Nil ? Attends. Oui, voilà. Le 9 mai 1859, l'explorateur annonçait à la Société de géographie sa découverte de la mer intérieure qui pourrait être la source de ce fleuve. Ils ont écrit « qui pourrait ». Oui. Cela veut dire que ce n'est pas certain ? Non, effectivement. Attends un peu. L'article dit que Speck était trop affaibli pour faire le tour de cet immense lac. D'ailleurs, certains considèrent qu'il pourrait avoir été induit en erreur par les populations locales et quelques mauvais interprètes. Quelle langue parle-t-on dans cette région ? Plusieurs langues. La plus employée par les commerçants est l'arabe. Et je crois que Speck n'en connaît pas un mot. C'est étrange d'ailleurs. Si je partais explorer cette région, je commencerais par m'initier à l'arabe. Inch'Allah. Ce n'est pas si difficile. Je suis sûre que tu apprendrais très vite. Parce que tu parles arabe, toi ? Taban. T'as qu'à la mobile arabie. Ah, Florence. J'ai dû apprendre le Coran dans la famille Finjandian. Et pour cela, il m'a fallu connaître cette langue. Florence, tu m'épateras toujours. Samuel Baker se sent depuis longtemps attiré par le continent africain. D'ailleurs, quelques années plus tôt, il avait posé sa candidature, sans succès, pour accompagner l'explorateur David Livingstone dans son expédition sur le fleuve Zambèze. En apprenant que Florence parle arabe, il commence à rêver de remonter le Nil en sa compagnie, et même de terminer le travail amorcé par John Speck. Après tout, pourquoi pas ? Il dispose d'une fortune suffisante pour financer une telle expédition, sa mission touche à sa fin en Roumanie, et rien ne l'oblige à rentrer en Grande-Bretagne. Au contraire même, le veuf sait que sa liaison avec Florence, qui a l'âge d'être sa fille et qui avait un rang d'esclave, risque d'être mal perçue dans l'Angleterre victorienne. Les deux amants préparent minutieusement leur expédition vers le centre de l'Afrique et s'y rendent en mars 1861. Nous y avions tant rêvé, nous y sommes maintenant. Le Nil, ses berges bordées de palmiers, ses caravanes de dromadaires, ces barques aux voiles triangulaires, ces lumières dorées à la fin du jour. Avant de nous aventurer en terre inconnue, vers sa source, nous avons exploré quelques affluents pour le compte de la Royal Geographical Society. Certaines journées étaient éprouvantes, mais nous formons un excellent tandem avec Sam. Une chose nous affecte cependant. Plus nous remontons le fleuve, plus nous constatons à quel point l'esclavage est répandu. Hier, nous avons croisé 3 navires chargés d'hommes et de femmes enchaînés. Les négriers étaient 20 fois plus armés que nous. Nous n'avons rien pu faire pour les arrêter. Le 2 février 1863, les Baker accostent à Gondokoro, le dernier village connu avant une série de rapides qui rendent le Nil non navigable. De là, ils prévoient de longer le fleuve jusqu'à sa source. Selon les déductions faites par John Speck 4 ans plus tôt, c'est au lac Victoria que devrait remonter cette fameuse source. Mais Florence et Samuel savent qu'ils ne sont pas les seuls explorateurs à tenter d'élucider ce mystère géographique. Ils ont appris notamment que le capitaine Speck est retourné sur le lac Victoria en passant par Zanzibar, avec cette fois l'ambition d'en explorer toutes les berges pour y localiser précisément le point de départ du Nil. 2 semaines après l'arrivée des Baker, une rumeur monte dans Gondokoro. Monsieur Samuel, 2 Européens sont à l'entrée du village. Quoi ? Ils viennent du sud. Est-ce que ce serait ce vieux Speck ? Il aurait réussi. J'arrive ! Speck. Ouais, c'est bien John Speck. Je le reconnais malgré sa barbe épaisse. Son compagnon de voyage, ce doit être James Grant. Oh, mais ils sont à bout de force. Messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes sauvés. Merci pour votre présence, cher consul. Consul ? Tu ne me reconnais pas ? Je suis Baker, Samuel Baker. L'hôtel de l'univers à Aden. Bon Dieu. Sam, c'est toi ? Alors, quoi ? On ne reconnaît plus ses vieux amis ? Si, si, mais je... En tout cas, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Toi et... Grant ? James Grant, je présume. Enchanté. Enchanté aussi. En descendant le fleuve depuis sa source, vous avez accompli ce que des centaines d'explorateurs ont rêvé d'accomplir avant vous. C'est formidable. Absolument formidable. Mais venez sur le pont de Madahabia, nous serons plus au calme. Viens voir qui nous arrive. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. John Speke. James Grant. Florence, je te présente les découvreurs de la source du Nil. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Un très grand honneur. Installez-vous, je vais vous apporter à boire. Et puis je vais aussi m'occuper de vos hommes. Combien sont-ils ? Nous sommes 111 au total. Très bien. Je vais envoyer Saïd pour régler tout ça. Excuse-moi, Sam, mais je croyais que ton épouse était décédée. C'est exact. Henrietta est morte il y a bientôt 8 ans. Mais alors cette femme ? Florence ? Ah non, c'est... Eh bien, Florence est ma fiancée. Les deux explorateurs racontent les 30 mois qu'ils ont passés en terre inconnue pour finalement trouver cette large rivière qui s'écoule du lac Victoria. Les deux hommes avouent aussi qu'ils n'ont pas pu suivre son cours dans sa totalité, en raison des conflits locaux qui rendaient certains passages trop périlleux. La carte qu'ils ont réalisée en cours de route contient donc de nombreuses zones blanches. Bon, voici l'emplacement du lac Victoria. Avec, ici, les chutes où nous avons localisé le commencement du Nil. Nous avons longé ses berges à cet endroit, et puis nous avons dû bifurquer ici, tu vois ? Et couper à travers cette terre pour retrouver le fleuve un peu avant Gondokoro, qui se trouve ici. Le tracé du fleuve n'est donc pas complètement défini dans cette zone. On peut même dire qu'il ne l'est pas du tout. Nous avons la certitude qu'il s'agit du Nil, mais nous n'avons pas pu le prouver lors de notre voyage. Et puis, certains indigènes nous ont parlé d'un autre grand lac qui pourrait être une seconde source du Nil. Il serait capital de pouvoir y accéder pour clarifier ce point. Ah oui. Capital, effectivement. Capital. Et vous ne souhaitez pas retourner effectuer cette nouvelle recherche ? Samuel, nous sommes épuisés. Épuisés. Et nos hommes aussi. Nous avons survécu pendant ces 3 ans de voyage. Il est temps de prendre un peu de repos. Et d'annoncer au monde la nouvelle de notre découverte. Nous reviendrons plus tard compléter la cartographie du fleuve. À moins que... Bon, puisqu'on en parle. Je me disais... Serais-tu prêt à entreprendre toi-même ce voyage ? Moi ? Je... Oui, bien sûr. John, tu sais à quel point je serais honoré. Remonter le fleuve pour terminer de cartographier son cours, c'est... C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Oui. Florence et moi sommes prêts à entreprendre cette aventure. Tu n'as tout de même pas l'intention d'amener Florence avec toi. Le voyage sera éprouvant pour une femme. C'est une équipée qui va durer 1 an, peut-être 2 ans. John, Florence m'accompagne depuis le Caire. Elle monte à cheval et tire aussi bien qu'un homme. Elle parle mieux l'arabe que toi et moi. Elle n'a peur de rien. Et si tu voyais comment elle mène nos hommes, tu comprendras quand tu la connaîtras mieux. Elle n'est pas une femme ordinaire. C'est de la folie, Sam. Mais je te laisse juger. Je vais te laisser cette carte pour faciliter ton trajet. Oh, pardon. Votre trajet. J'y annoterai les informations que nous avons obtenues en cours de route. Tiens, regarde. Voilà l'emplacement du lac dont les indigènes nous ont parlé. Ils l'appellent le Lutantsige. Je vais te le noter. Je vais aussi t'indiquer l'emplacement des tribus, le nom des chefs et celui de quelques guides dont tu pourrais avoir besoin. Pardon, dont vous pourriez avoir besoin. La tête de Speke et de Grant quand ils ont compris que j'étais déterminée à accompagner Samuel. Nous sommes partis 1 mois après leur passage, aidés des précieuses informations qu'ils nous avaient fournies. Moi qui voulais vivre libre, je dépassais même les limites du monde connu. Nous avons affronté les pluies, les fièvres, la fatigue. Nous avons traversé des marais. Plusieurs de nos porteurs nous ont abandonnés. Et malgré tout cela, nous avions grand plaisir à mener cette aventure. C'est finalement un an plus tard, le 14 mars 1864, que nous avons assisté au spectacle de cette immense nappe d'eau. Samuel ! Quoi ? Par ici, regarde ! Où ça ? Ah ! Le voilà ! Nous avons réussi ! Florence ! Le Digny ! Non, le Ndig... Oh, je n'arrive jamais à prononcer son nom. Il s'étend à perte de vue. Nous levons la dernière énigme géographique de ce fleuve. Regarde ici, c'est là que le Nil se déverse avant d'en ressortir plein nord et de poursuivre sa route vers la Méditerranée. Demain, nous irons mesurer son altitude exacte. Florence, nous sommes les premiers Européens à le voir, tu te rends compte? Alors que l'humanité cherche à pénétrer cette terre depuis la nuit des temps... Ah, le Ndigouzé. Non, oh, comment l'appelles-tu? Le Ndigé. Et si nous le rebaptisions, nous pourrions l'appeler le lac Albert pour faire honneur au mari de la reine Victoria. Après cette découverte, Florence et Samuel Baker mettent une année à regagner Gondokoro, puis Khartoum. Au moment de rentrer en Europe, ils réalisent qu'ils vont être confrontés à une nouvelle épreuve. Ce couple d'exception, tout brillant qu'il soit, vit depuis 6 ans en dehors des liens du mariage. Samuel n'ayant pas pu, ni peut-être voulu, officialiser leur relation quand ils étaient en Roumanie. Une situation scandaleuse dans l'Angleterre victorienne. Pour éviter les réactions de désapprobation, ils convolent dès leur arrivée à Londres au mois d'octobre 1865. Samuel, qui sait à l'occasion être opportuniste, s'arrange pour gagner le soutien de Sir Roderick Murchison, le président de la Royal Geographical Society. Ce soutien permet aux deux explorateurs de se faire accepter par la bonne société londonienne et d'accéder à la célébrité. Partout où ils vont, Samuel et Florence sont accueillis en héros. Il faut dire que l'image romantique du couple intrépide cheminant main dans la main jusqu'au cœur de l'Afrique est irrésistible. Samuel est anobli par la reine Victoria et devient un proche ami du prince de Galles qui, au mois d'avril 1869, l'aide à obtenir une nouvelle mission dans la région du lac Albert. Commander une expédition destinée cette fois à éradiquer l'esclavage et aussi à ouvrir des comptoirs commerciaux pour le compte d'Ismaïl Pacha, le khédive d'Égypte. Bien entendu, j'ai annoncé que je ne partirai pas sans toi. Tu le sais, mon amour. Et tu sais que je serai toujours prête à t'accompagner. Ismaïl Pacha semble résolu à se dégager de la tutelle ottomane pour faire entrer son pays dans le cercle des nations modernes. En tout cas, il ne lésine pas sur les moyens pour y arriver. Nous disposerons d'un contingent de 1700 soldats. Une armée entière? Quand tu penses que c'est avec moins de 20 porteurs que nous avons atteint le lac Albert il y a 5 ans? Et donc toute cette force sera mobilisée dans le seul but d'éradiquer la traite? Oui. Bon, le khédive a certainement le projet d'étendre son pouvoir sur le Haut-Nil. Et pour cela, il doit soumettre les tribus au sud de Gondokoro, qui sont pour la plupart impliquées dans la capture et la vente des esclaves. Retourner en Afrique avec en plus la mission d'abolir la traite humaine. Cette nouvelle expédition nous honore et nous ferons tout pour la mener à bien. Lors de notre premier voyage, la cruauté des trafiquants m'avait épouvantée. Sur le Nil, les conditions de vie des esclaves sont bien pires que celles que j'ai connues au bord du Danube. Ils ne bénéficient d'aucune éducation. Ils sont traités comme des bêtes de somme, corvéables à merci, battus, affamés le plus souvent. J'ai vu plusieurs colonnes d'hommes et de femmes enchaînées, et même d'enfants. Spectacle insoutenable. Mais cette fois, nous aurons les moyens de combattre cette infamie. Ce sera ma revanche sur mon passé. Lorsque Florence et Samuel Baker retournent sur le Nil, la situation de l'esclavage est pire qu'elle ne l'a jamais été. Khartoum est devenue une plaque tournante de la traite, essentiellement organisée par les marchands arabes et ottomans. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants y passent tous les mois pour être expédiés, par le fleuve ou à travers le désert, dans les pays ottomans, arabes ou perses. La lutte, destinée à éradiquer l'esclavage, en arrêtant les trafiquants ou au moins à les décourager en imposant une présence armée, s'avère d'autant plus ardue pour les Baker, que les 1700 soldats promis par le roi d'Égypte pour les accompagner ne seront finalement que 650. Sans parler de la résistance intérieure de l'administration du Khédive, à laquelle le couple sera confronté en permanence. Au mois d'avril 1870, alors qu'ils sont en route pour Gondokoro, Florence et Samuel croisent Ali Bey, le gouverneur de la province de Fashoda, en escale dans un des villages qu'il administre. Compte tenu de l'importance de leur expédition, le gouverneur les accueille chaleureusement dans sa tente, dressée devant ses navires au bord du Nil. Soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Je vais vous faire apporter du thé. Et je vais faire tuer quelques moutons pour vos hommes. Merci pour votre accueil. Vous êtes très généreux. Vous êtes mes invités. C'est un honneur de recevoir les émissaires de notre Khedive Ismaël Pacha. Nous ne faisons que passer, cher gouverneur. Le Khedive nous a donné pour mission de sécuriser l'installation de comptoirs commerciaux en amont jusqu'au lac Ndig... jusqu'au lac Albert. Et d'après les informations que nous avons obtenues, la route sera longue. Nous risquons fort d'être ralentis par ces crapules de la traite. Ah oui. Oui. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, vous devez le savoir. Nous sommes là aussi pour éradiquer l'esclavage dans la région. Ah. Ah oui. C'est juste. Seulement, je me demandais si cette ambition était très sérieuse. Les trafiquants continuent de sévir, même dans votre province. Le savez-vous? Il y a 2 jours, nous avons recueilli une esclave qui nous a raconté comment elle avait été ligotée et séquestrée au fond d'une cale avant de réussir à prendre la fuite. Son village se trouve tout près d'ici. Nous lui avons annoncé que le Khedive d'Égypte avait décidé d'abolir complètement l'esclavage. Oui, et elle a eu du mal à le croire. Ainsi, notre Khedive est vraiment décidé à y mettre fin. Tenez, c'est écrit noir sur blanc sur cet ordre de mission. Quelle drôle d'idée. Vous savez, l'économie de l'Égypte repose en partie sur ce commerce. Et vous-même, sur votre route, vous n'avez pas croisé de trafiquants? Moi? Eh bien, je ne sais que vous répondre. Tout le monde pratique cette activité, même les nègres, même les esclaves. Libérez-les, ils ne tarderont pas à prendre des gens à leur service dès qu'ils en auront l'occasion. En venant vous saluer, nous avons remarqué 3 navires bien chargés, amarrés derrière votre tente. À qui appartiennent-ils? Ils sont à moi. Pardonnez ma curiosité, monsieur Ali Bey, mais puis-je vous demander ce que vous transportez dans vos cales? Madame, vous êtes bien curieuse. Oseriez-vous m'accuser? Elle ne vous accuse de rien. Nous voulons juste savoir ce que vous transportez. Je ne vous permets pas. Pardonnez-nous, mais le Khedive m'a donné tout pouvoir, vous comprenez? Si vous ne coopérez pas avec nous, c'est à notre armée que vous aurez affaire. Et je ne pense pas que la dizaine d'hommes qui vous accompagnent soient en mesure de résister. Que transportez-vous dans vos cales? Eh bien, nous transportons... Nous allons vérifier tout de suite. Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Abdel, prenez 10 hommes et allez inspecter les cales de ces navires. Dans les cales d'Ali Bey, nous avons découvert 155 esclaves. Surtout des femmes et des enfants, entassés dans les doubles fonds ou ligotés sous des défenses d'éléphants. Et ce n'est que le début de notre voyage. Partout où nous allons, nous voyons les conséquences de ce sinistre commerce. Et la plupart des tribus se montrent agressives à notre rencontre, alors que nous venons les libérer de ce fléau. C'est à n'y rien comprendre. Samuel et Florence Baker ont-ils conscience que leur expédition sert avant tout les ambitions expansionnistes de l'Égypte et de façon plus dissimulée, celle du Royaume-Uni? En effet, sous couvert de lutte contre l'esclavage, le Khedive Ismaïl Pacha souhaite asseoir sa présence jusqu'aux sources du Nil. Or, plus le couple avance, plus il est ralenti par les conflits frontaliers et la résistance des tribus locales. Au point qu'en juin 1872, lassés de l'hostilité croissante qu'ils supportent depuis 2 ans, les époux Baker jettent l'éponge. Ils rebroussent chemin avant même d'avoir atteint le lac Albert. Nous ne pouvons rien attendre de ceux que nous essayons de libérer. Je me sens impuissante, Sam. Oui. Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes. En tant qu'ancienne esclave, j'aurais tellement voulu contribuer à faire cesser la traite. Mais nous l'avons fait, Florence. Nous en avons posé les bases. Nous avons libéré des centaines de femmes et d'hommes, et partout où nous sommes passés, nous avons porté le message que ce commerce devait définitivement cesser. Après nous, plus rien ne sera comme avant. Tu crois ? J'ai l'impression que personne ne s'oppose à la traite à part nous. Je me demande même si le Khedive ne nous a pas engagés uniquement pour faire croire à l'Europe qu'il prenait au sérieux la lutte contre l'esclavage. Florence et Samuel rentrent en Angleterre en octobre 1873. L'accueil qu'ils reçoivent est triomphal. Le couple fait la une des journaux et l'itinéraire de Lady Baker, depuis un harem du Danube jusqu'à la source du Nil, captive le public. D'ailleurs, pendant plusieurs générations, les Baker garderont l'image très positive d'un couple amoureux parti main dans la main découvrir la source du plus grand fleuve africain et qui aura tenté de libérer cette partie du continent de la traite humaine. Pourtant, de cette seconde expédition, Florence Baker garde une profonde déception qui l'affectera jusqu'à sa mort en 1916. Je ne retournerai plus jamais en Afrique. Nous vivons maintenant loin de Londres, dans le Devon. C'est la première fois que j'ai une maison à moi. J'apprends à savourer le temps présent, même si je pense tous les jours à notre échec. Certains disent que nous nous sommes engagés trop tôt dans ce combat, mais ceux-là ne savent pas ce qu'est l'esclavage. Tous les jours, je mesure ma chance d'avoir échappé à cet enfer grâce à Samuel. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'étais restée dans le harem de cet odieux pacha de Vidin. Chaque fois, ces pensées me glacent le sang. Florence Baker, des rives du Danube à la source du Nil, un texte de Guillaume Jean, avec Florence Baker, Assia Nadjar, Samuel Baker, Valentin de Carbonnière, John Speck, Olivier Cherki, James Grant, Swan de Marsan, Ali Bey, Aziz Kabouche, le commissaire-priseur Jackie Nersessian, Ali Wenceslas Bamba, un villageois Wabin Leonabi, et les voix de Luc Leclerc du Sablon, Lionel Mur et Thomas Othello-Pontier. Bruitage Sophie Bissans, prise de son montage et mixage Bernard Laniel et Régis Nicolas, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Pascal Deux. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on continue de parler de Florence et Samuel Baker avec mon invité Christelle Mouchard. Trying to make sense of the past, to show us how this shines. Imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to praise or blame. Suffering and pain, we are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our destiny. Visions, look at the magic. dissect it with honesty. That we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next. But that we're in this together. We are here. Visions de José González sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Jérémy Kaufmann. Christelle Mouchard, Florence Baker, quelle vie incroyable, quelle personnalité aussi, hein, une vraie résilience aussi, on peut le dire, dans son cas, cette petite fille enlevée, orpheline, qui manque d'être... oui, elle avait certainement un esclave. Tempérament, une personnalité exceptionnelle. Bon, mis à part le fait que ça arrivait quand même que les femmes voyagent avec leur mari explorateur, bon, elle n'est pas le seul cas, mais c'est vrai que dans ce que dit Samuel Baker d'elle, et dans ses lettres, on note que réellement, elle avait pris une place à l'intérieur des expéditions extrêmement importante, et notamment dans la deuxième, où là, vraiment, c'est une expédition extrêmement armée. Dure. Extrêmement dure. Et elle avait le rôle, à la fois, un rôle d'intermédiaire avec les peuples africains. Parce qu'elle parlait les langues. Voilà, elle avait quand même un don pour les langues manifestes, et en plus, un talent de diplomate, et Samuel Baker s'en servait quand lui était tenu par son rôle de britannique pur et dur, etc. Il se servait d'elle pour adoucir et faire en sorte que de pouvoir avancer. Donc, ce qu'on découvre dans cette histoire, c'est que donc au XIXe siècle, le commerce des esclaves est une activité extrêmement prospère, et très très forte encore en Afrique. Alors dans cette région-là, pourquoi là spécialement? Samuel Baker qualifie la région d'enfer et il n'est pas le seul. Donc là, on est dans la région des Grands Lacs. Voilà, on est entre les Grands Lacs et le Gondokoro, enfin donc le Nil navigable, hein, donc et dans ce qui est actuellement, on va dire, le nord de l'Ouganda. Et pour quelle raison cette région-là, et qui sont ces esclaves, qui les vend et qui les achète? Alors, il y a plusieurs raisons. Bon, d'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, la traite atlantique est en train de diminuer, de s'éteindre petit à petit. On appelle la traite atlantique, c'est-à-dire à destination des plantations des Antilles et du Brésil, alors qu'elle continue encore. Mais enfin bon, disons que c'est en train de diminuer, de s'éteindre. L'abolition de l'esclavage. Voilà, pendant le même temps, l'abolitionnisme dans l'Empire ottoman n'est pas tellement en cours encore. Ouais. Ça commence un petit peu, mais c'est pas encore vraiment en cours. Et à côté de ça, il se trouve que à la fois l'Égypte et le sultanat d'Oman entrent dans l'économie mondiale. Ce qui était un petit peu oublié maintenant, mais c'est vrai que l'Égypte commence à lancer de grandes plantations de coton. Et le sultanat d'Oman commence à se lancer dans la culture de clou de girofle, qui est en plein boom. C'est une économie de plantation, en fait. Donc il faut des esclaves. Et il se trouve que dans cette région, il n'y a aucune loi, il y a des empires constitués, parce qu'il y a le roi Ankamrézi ou Mtesa, ce sont des rois importants dans la région. mais la pression des trafiquants d'esclaves est tellement importante que les empires eux-mêmes se trouvent mêlés à ce trafic. Et n'importe qui veut faire fortune dans ce coin-là, à condition de n'avoir aucun scrupule et pas froid aux yeux, peut y aller, emprunter en promettant de rapporter de l'ivoire, parce qu'on ne parle jamais d'esclaves, donc c'est toujours l'ivoire. Et pour rapporter l'ivoire, eh bien, on rapporte des hommes qui portent, et il se trouve que ces porteurs sont tous esclavisés, en fait. Oui, c'est... Oui. Et dans ce commerce, quel rôle joue la Grande-Bretagne ? Alors, c'est pas très clair. Ça. Alors forcément, il y a une ambiguïté. Alors, ce qui n'est pas ambigu, c'est qu'effectivement, l'Angleterre a pris parti contre l'esclavage, à la fois la traite puis l'esclavage. Donc, c'est aboli et la traite, non seulement la traite est supprimée, mais en plus, ils se sont fait les gendarmes, ayant une flotte quand même extrêmement importante, ils se sont fait les gendarmes un peu de la traite en mer, de la lutte contre l'esclavage. Et de ce fait, et avec les mouvements abolitionnistes, ils se sont fait les champions de la lutte contre l'esclavage, y compris en Afrique. Alors, c'est les acteurs de cette lutte contre l'esclavage, dont Baker, mais surtout le plus connu, évidemment, c'est Livingstone, sont à la fois sincères, ce sont de sincères abolitionnistes, et ils se battent sincèrement contre l'esclavage. Et en même temps, il est vrai qu'ils font le lit de l'entrée de l'Angleterre dans ces régions-là. Oui, l'Angleterre souhaite prendre le contrôle sur l'Égypte. De l'Égypte, face à la France, qui, elle, a déjà un pied en Égypte, puisqu'on est à l'époque où de l'ouverture du canal de Suez, faite par sous l'égide des Français. Donc, il y a aussi une lutte de pouvoir extrêmement importante entre les grandes puissances qui s'immiscent dans le chemin sur la route des explorateurs. Donc, Florence et Samuel Baker vont finalement rentrer en Angleterre. Ils échappent à la mort vraiment de justesse. Et ils rentrent, ils vont avoir une vie relativement tranquille dans leur maison du Devon. On peut comprendre que Florence Baker ait apprécié ce calme après toutes ces années d'aventure. Dans les années 1880, l'explorateur Charles Gordon a proposé à Samuel Baker de retourner en Afrique. Baker aurait hésité et c'est Florence qui aurait fermement dit qu'il n'en était pas question. Et d'ailleurs, on apprendra quelques années plus tard que Charles Gordon a été tué à Khartoum. Donc, elle avait cette sagesse de savoir s'arrêter. Oui, probablement. Bon, c'est vrai que quelle que soit l'intensité du désir d'exploration, je pense que ça a été vrai pour tous les explorateurs, y compris les plus acharnés. Il y a un moment où le danger, le fait de risquer sa vie, les fièvres, il faut quand même imaginer, ils sont restés deux fois cinq ans en Afrique, et chaque fois, ils ont été poursuivis par la malaria. Ils ont été menacés une fois par une épidémie de peste, parfois une épidémie de petite vérole. Donc, effectivement, il était temps d'arrêter. Merci beaucoup Christelle Mouchard. Je rappelle que vous êtes l'autrice avec Alexandra Lapierre de « Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières 1850-1950 » publié chez Artaud, et plus récemment de « L'aventurière de l'étoile, Jeanne Barret, passagère clandestine de l'expédition de Bougainville » édité chez Talendier. Et à propos de Florence Baker, je conseille également la lecture de « Quand les voyageuses découvraient l'esclavage » de Françoise Lapeyre chez Payot. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, changement complet d'ambiance, nous partirons au XVIIe siècle en compagnie d'une femme extravagante, la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, qui avec panache et un renfort de grands coups de canon se lança corps et âme dans les combats de la Fronde. La grande mademoiselle et la Fronde des princes, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.